إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله وخوفا من عذاب الله عباد الله إن من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية الرفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولا وفي الحديث وما تواضع أحد لله إلا رفعه والتواضع عباد الله ديانة وقربة يتقرب به العبد إلى الله فالتواضع ليس خلقا نفيعا وأمرا يفعل لمصلحة ما عباد الله التواضع خلق حميد وخصلة كريمة ينال بها العبد بعد رضا الله رضا الناس عنه فالمتواضع يحبه الناس ويألفونه ويطمئون إليه والتواضع حقيقته ترك التعالي والتكبر على عباد الله والمسلم حقا يحب إخوانه المسلمين وينظر إليهم نظرة الاحترام والتقدير وإن تفاوتت المنازل من غنى إلى فقر أو ضعف أو علم أو غير ذلك هو ينظر إليهم مهما كانت الفوارق في الجاه أو في المنزلة أو في المكانة الاجتماعية كل هذه الأمور لا تذهب التواضع عنه بل تؤصل التواضع في نفسه والتواضع خلق كريم ينال به العبد محبة الله ثم كسب القلوب إليه وقد أمر الله بالتواضع في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه العزيز مخاطبا نبيه واخفض جناحك للمؤمنين وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالتواضع إنما يكون لله وتقرب إلى الله عز وجل ولهذا قال العلماء التواضع نوعان محمود ومذموم فالمحمود ما كان لله وما تقرب به المتواضع إلى الله والمذموم عباد الله ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته، ونحو ذلك. أيها المؤمنون، والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراه. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبيرا، كبير بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. عباد الله، ولقد بينا نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع، وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، وذلكم عندما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الناس، أو يمغط الناس، فلا يقبل حقا ولا يرعى لا يقبل حقا ولا ويتعالى على عباد الله جل وعلا ويترفع عليهم. وضده المتواضع، وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالي عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالي على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع مع الحق، وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين، جزاء وفاقا. أما التواضع عباد الله للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. وقد روى الإمام مسلم في كتابه عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم، والاستطالة على عباد الله لها وجهان: إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق، أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر، أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق، أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه في هذه الحال يكون قد بغى، ولا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال، لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دون دائما وأبدا في خضوع وسكينة وتواضع وطمأنينة، وفي بعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك علوا ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولة وانحطاطا. أيها المؤمنون عباد الله، ما أجمل التواضع وما أرفعه على وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظم ثوابا وأجرا. واعلموا رعاكم الله أن هذه الأخلاق وهائب، وأن الله عز وجل إذا أحب عبده وهبه منها، وما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إلى اللجوء إلى الوهاب تبارك وتعالى ليهب له من أمره رشدا. وفي الدعاء عباد الله الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، سامتاد الله، خني الله، إلى بيتي ou le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'agir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Et c'est d'abandonner la désobéissance d'Allah sur une lumière venant d'Allah en craignant son châtiment. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les meilleurs comportements qu'un musulman peut adopter, parmi les comportements élevés que le musulman doit avoir, il y a l'humilité, at-tawadu. Et c'est d'être humble envers la vérité et d'être humble envers les créatures. Et plus un serviteur sera humble, plus Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. Tandis que si le serviteur essaie de s'élever par lui-même avec orgueil et arrogance, eh bien, il ne fera que, au contraire, se rabaisser et s'humilier. Et c'est mentionné dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'humilie, personne ne s'humilie devant Allah excepté que Allah va l'élever. Allah subhanahu wa ta'ala élève celui qui est humble et il rabaisse celui qui est arrogant et orgueilleux et fier. Et donc l'humilité, serviteur d'Allah, c'est un comportement qui est relié à la religion. C'est une adoration, c'est un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas un moyen par lequel quelqu'un cherche à obtenir un bienfait ou une faveur de la part de quelqu'un. Plutôt, l'humilité, c'est un comportement louable et une noble caractéristique que quelqu'un possède. Et lorsque le serviteur a cette humilité, son Seigneur est satisfait de lui et les hommes sont satisfaits de lui également. Parce que la personne qui est humble, eh bien, elle est aimée, la personne est aimée par les hommes également. Et ils sont en paix avec lui. Parce que la réalité de l'humilité, c'est de ne pas chercher à s'élever de façon orgueilleuse sur les autres parmi les serviteurs d'Allah. Donc le vrai musulman, il aime ses frères et il regarde ses frères avec un regard de respect et d'estime. Peu importe le degré qu'ils sont, dans lequel ils sont, que ce soit des riches ou que ce soit des pauvres, que ce soit des forts ou que ce soit des faibles, que ce soit des gens qui ont plus de science ou moins de science, ou autre, parmi les différences qui existent entre les hommes, la personne humble, elle traite tout le monde avec respect et estime. Et elle ne regarde pas les différences qui existent dans le degré et le statut social des hommes pour agir avec eux. Mais elle traite tout le monde avec humilité et modestie, et elle est modeste en elle-même. De même que par l'humilité, le serviteur arrive à capter les cœurs. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'il parle à son prophète dans le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, hein, en voulant dire, tends ton aile pour les croyants, c'est-à-dire sois doux, sois humble avec eux. Tends ton aile à celui qui te suit parmi les croyants. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, à propos des serviteurs, de ses serviteurs, pour les décrire, il dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent avec humilité sur la terre. Et lorsque des ignorants leur adressent la parole, ils répondent par salam. C'est-à-dire, ils répondent par une parole, hein, qui ne va pas remettre du mal ou de l'injustice ou faire du tort encore plus aux serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un verset, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, ne marche pas sur la terre en t'enflant de fierté, de gloriole. Parce que même si tu marches, hein, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es arrogant, tu ne peux pas faire s'écrouler la terre sous tes pas. Et tu ne peux pas atteindre la hauteur des montagnes. Hein, donc, il faut que tu sois humble sur la terre. Donc, l'humilité, serviteur d'Allah, c'est lorsque le serviteur cherche, en adoptant ce comportement et ce caractère, il cherche à se rapprocher d'Allah. C'est pour cette raison que les ulama disent qu'il y a deux sortes d'humilité. Une humilité qui est louable et une humilité qui est blâmable. L'humilité qui est louable, c'est celle que la personne adopte comme comportement lorsqu'elle est humble. Elle le fait pour se rapprocher d'Allah seulement. Et elle recherche uniquement le plaisir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'humilité qui est blâmable, c'est lorsque la personne, elle cherche à adopter un comportement humble envers les gens pour obtenir d'eux quelque chose. Donc, si quelqu'un connaît une personne qui a de l'argent, elle va être humble avec elle parce qu'elle veut de l'argent. Ou que si c'est une personne qui a un statut, elle va être humble avec elle parce qu'elle veut obtenir une faveur. Et ainsi de suite. Et donc, il faut faire attention donc, d'adopter l'humilité qui est louable. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il fait l'éloge de ceux qui sont humbles et qui sont sincères et qui le font uniquement pour lui et non pas de ceux qui le font par intérêt ou bien qui le font comme cette humilité que certains adoptent mais que c'est uniquement théâtral, c'est-à-dire des gens qui sont humbles mais ils font semblant d'être humbles, en réalité ce sont des gens orgueilleux mais ils font semblant d'être humbles pour obtenir ou attirer les gens ou obtenir d'eux un bienfait quelconque. Ayyuha al-mu'minun, chers croyants, serviteurs d'Allah, sachez que lorsque la personne s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala et fait preuve d'humilité, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever dans cette vie d'ici-bas et elle va l'élever également dans l'au-delà. Et même si la personne humble, elle se voit elle-même comme étant très très petite devant les autres, et elle considère qu'elle n'est rien devant les autres, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une grande importance et une grande valeur, et pour les hommes également. Tandis que la personne qui se pense tellement orgueilleuse et fière et grande, elle se voit grande en elle-même, alors qu'elle est méprisable et petite pour Allah subhanahu wa ta'ala, de même que pour les hommes. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la réalité de l'humilité et son contraire dans un hadith très clair. Il a mentionné que l'orgueil, al-kibr, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. De mépriser les gens. Et donc ça nous fait comprendre que la personne qui est orgueilleuse, elle rejette la vérité lorsqu'elle lui parvient. Et elle méprise les gens. Elle refuse d'accepter la vérité et elle se voit au-dessus des autres. Et donc ça nous fait comprendre que l'humilité, elle est de deux catégories. L'humilité envers la vérité, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers la révélation, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers le Coran, envers les hadiths, et l'humilité envers les hommes, envers les êtres humains. Et donc il faut avoir les deux. En ce qui concerne l'humilité envers la vérité, eh bien ça veut dire qu'il faut l'accepter. Si quelqu'un te mentionne une preuve à propos de la religion, quelque chose dans le Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu vois que c'est la vérité, que c'est une preuve claire, un verset clair, un hadith authentique, accepte-le. Ne le rejette pas. Ne le rejette pas parce que la personne qui te mentionne la preuve est plus jeune que toi. Tu dis, toi t'es petit, comment tu vas me mentionner un hadith ou un verset dans le Coran? Même s'il est plus jeune que toi, accepte la preuve. Tu ne vas pas rejeter la preuve de lui parce que tu dis, lui il n'est pas arabe, moi je suis arabe. Je connais mieux l'islam que lui. Moi je suis né musulman, lui il n'est pas né musulman. Je connais mieux l'islam que lui. Non, accepte la vérité de peu importe de qui elle vient cette vérité. Même si celui qui te dit ce hadith ou ce verset dans le Coran est un chinois, un japonais, un italien, un grec, un espagnol, un québécois, peu importe, blanc, noir, jaune, rouge, s'il te mentionne quelque chose qui vient d'Allah, quelque chose qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'acceptes. Tu l'acceptes pour Allah parce que c'est la vérité. Tu ne vas pas être fier et orgueilleux en disant non. Si ça vient de quelqu'un de mon niveau d'éducation, de mon niveau de connaissance, de mon statut social, même niveau intellectuel que moi, même couleur, même pays, même origine, là j'accepte. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne l'accepte pas. Ça c'est le kibr. Ça c'est de rejeter la vérité par orgueil, arrogance et fierté. Tu dois accepter la vérité de peu importe de qui elle vient. Et c'est une des choses qui a fait que des peuples ont dévié. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que lorsque les Arabes étaient à Médine, les Juifs se vantaient auprès d'eux en disant « Un prophète va venir et il va nous donner la victoire sur vous. » Quand le prophète est venu, ils ont vu que c'était un prophète, mais il n'est pas venu des Juifs, il est venu des Arabes. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « On n'accepte pas ce prophète-là. » Parce que nous, le prophète qu'on attend, il doit venir de notre origine, de notre peuple. S'il vient de notre peuple, comme chez les Arabes, on n'accepte pas ce qu'il dit, même si c'est la vérité. Même s'il vient d'Allah. A'ouzou billah. Donc, vous voyez comment le kibr égare les hommes lorsqu'ils refusent d'accepter la vérité à cause de leur orgueil et de leur arrogance. Eh bien, ça c'est un exemple à ce sujet-là, d'accepter la vérité. En ce qui concerne l'humilité envers les hommes, eh bien, c'est de ne pas s'élever et de ne pas s'enfler d'orgueil. Dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné par rapport au fait d'être humble envers lui et de ne pas s'enfler d'orgueil. Il a dit, par exemple, à propos des mouchriquins, qu'ils refusaient de dire « La ilaha illallah » parce qu'ils s'enflaient d'orgueil. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Ils refusaient de dire la ilaha illallah par arrogance et par fierté. Et ils refusaient d'abandonner leurs idoles et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Celui qui s'enfle d'orgueil et qui est orgueilleux par rapport à l'adoration d'Allah, eh bien Allah va tous les rassemblés vers lui au jour de la résurrection pour les juger. Il y a des hommes sur terre, si tu leur dis Allah existe, ils disent oui. Peut-être Allah existe, ils croient ou ils ne croient pas, ils ont des doutes peut-être, ou bien il y en a qui ne croient pas du tout, ou bien il y en a qui croient. Et parmi ces gens-là, il y en a qui croient mais qui refusent d'appliquer la religion ou de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils disent oui, j'accepte que Dieu existe, mais je ne veux pas me prosterner. Je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas obéir à Allah ni à ses messagers. Ils s'enflent d'orgueil. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi je ne crois pas que Dieu existe, avec leur bouche. Mais au fond de leur cœur, ils savent que Dieu existe. Parce qu'ils savent que rien ne peut pas venir. C'est-à-dire l'univers ne peut pas venir du néant. Les choses ne peuvent pas apparaître sans que quelque chose les ait créées. Au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent et ils savent qu'il y a un créateur et qu'il y a un maître, mais parce qu'ils sont fiers, arrogants, orgueilleux, ils refusent de se soumettre et d'obéir à Allah et de mettre leur front sur le sol devant leur créateur à cause de cette arrogance et de cet orgueil. Ils refusent de reconnaître la vérité. Ils s'enflent d'orgueil. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos de Pharaon, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils l'ont renié, ils ont renié les signes qui viennent d'Allah, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude et conviction, ils savent que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Mais l'orgueil, l'arrogance, la fierté fait que ces hommes refusent de dire la ilaha illallah et d'adorer Allah seul. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, qui refusent de m'adorer, ils vont entrer en enfer humiliés. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Tu as fait un péché, tu seras puni par quelque chose qui correspond. Tu as fait le bien, tu seras récompensé par quelque chose qui correspond à ce bien. Et d'être humble avec les hommes, eh bien, c'est de ne pas s'enfler d'orgueil avec eux, de ne pas les mépriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, rapporté par l'imam muslim, que Allah a révélé, il dit certes, Allah m'a révélé que vous devez être humble entre vous et que personne ne soit fier l'un par-dessus l'autre. Et que personne ne transgresse vis-à-vis des autres. Donc tu dois être humble et tu ne dois pas t'enfler d'orgueil par rapport à tes frères. Ça fait partie des bons comportements. Et on sait que les bons comportements, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala offre à certains d'entre ses serviteurs comme un don qu'il lui fait. Certains ont un bon comportement, c'est quelque chose qui est inné. Allah leur a donné ça. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour avoir ce comportement parce que ça fait partie de leur être, de leur nature. Allah leur a donné ça. D'autres doivent travailler sur leur personne pour développer ce comportement en eux-mêmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. » Tu veux développer une caractéristique, un comportement en toi-même, une bonne qualité, travaille à la développer en toi-même en faisant des efforts pour l'avoir en toi-même et d'agir selon ce comportement et tu vas l'obtenir. Et bien entendu, en invoquant Allah pour lui demander de te donner ce comportement pour que tu puisses l'avoir. Parce que c'est un don qu'il donne à qui il veut de ses serviteurs.